Salut, je suis certainement à la maison, probablement en train d'éviter de répondre au téléphone à quelqu'un que je n'aime pas. Alors, laissez-moi un message et si je vous rappelle pas, c'est vous.